On a dit qu'on va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, les hadiths qu'a cité l'auteur, rahimahullah, al-hafidhu al-Nawawi, concernant la médisance. Alors il nous dit, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Muttafaqun alayhi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On comprend de ce hadith, barakallahu fikum, que premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à comprendre un sujet très important. C'est que ce à quoi nous appelle concerne ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier. La croyance en Allah concerne d'autres piliers. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Il n'y a pas que le fait de croire au jour dernier. Mais pourquoi est-ce que ici et dans d'autres passages, on trouve souvent le fait de croire en Allah et au jour dernier? C'est pour nous rappeler deux points, ou du moins un point essentiel. C'est que si tu es croyant, et que tu crois que tu vas être jugé, que Allah tabaraka wa ta'ala va te juger au jour dernier, fais très attention à ce qui suit. Fais très attention à ce qui suit. Si tu es croyant, et tu crois qu'Allah va te juger au jour dernier, ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. Est-ce que ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Ces gens-là qui trichent et qui abusent, etc., ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités et qu'ils seront jugés? Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, il nous montre, ce sujet est un sujet important. Si tu crois en Allah, tabaraka wa ta'ala, et au fait que tu seras jugé, alors fais très attention à ce qui suit. Qu'est-ce qui suit? فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Si tu crois en Allah, et au fait que tu seras jugé, alors dis du bien ou tais-toi. C'est quoi le bien? Et c'est là qu'on revient à ce qu'on a cité de la parole de Al-Nawawi hier. Al-Nawawi, il nous a dit que lorsqu'on a une parole à dire et qu'il y a un bien dans cette parole, mais qu'on voit que le fait de se taire est semblable au fait de prononcer cette parole, alors le mieux est de se taire. Le mieux est de se taire. Et il se base sur ce hadith, rahimahullah. C'est-à-dire que si tu as un bien à dire, qu'est-ce qui est voulu par un bien? C'est une parole qui te rapporte des récompenses. Tout simplement. Si tu as un bien à dire, une parole qui te rapporte des récompenses. Il faut qu'on soit de bons commerçants. On a déjà dit, on fait du commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, nous faisons du commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il a fait ce compagnon qui a délaissé tous ses biens pour faire la hijra. Il a tout délaissé afin que les habitants de Quraysh le laissent partir. Il n'a pas économisé pour partir. Lui, il a tout laissé pour partir. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Rabihat tijaratuk. Ton commerce a été fructueux. Ton commerce a été fructueux. Et donc, on fait du commerce avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Toi, en tant qu'un bon commerçant, tu vois qu'il y a un produit que c'est rentable, c'est pas trop rentable. Tu vas pas perdre ton temps avec. C'est pas rentable de vendre telle et telle chose. Concentre-toi sur ce qui est rentable. Sache que toute parole que tu vas prononcer, soit ça va être rentable, soit c'est des pertes dans ton compte. Et donc fais attention. Taïb, il y a des paroles que tu ne sais pas si c'est rentable ou pas. Ne te concentre pas là-dessus. Concentre-toi sur ce qui est rentable. Sois un bon commerçant. Et donc, soit la parole, elle me rapporte des hasanettes, et je parle, soit ce n'est pas le cas, et je ne parle pas. Je ne parle pas. فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُوتْ. طيب. Et donc il dit, الحافظ النووي, après avoir cité ce hadith, il nous dit, وهذا صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا. Il nous dit ça, donc ce hadith-là est clair dans le fait qu'il n'est pas convenable de parler sauf si la parole est bonne. Il n'est pas convenable de parler sauf si la parole est bonne. وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ. Et c'est la parole dont il est apparent, il est clairement apparent que celle-ci est profitable. وَمَتَا شَكَّ فِي ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَكَلَّمْ. Et à partir du moment où la personne, elle doute du fait que cette parole sera profitable ou pas, elle n'en parle pas. Les frères, là, on est en train de parler d'une parole qui est profitable. Que dire d'une parole qui, en réalité, est un péché? Parfois, on va être là en train de douter. Est-ce que c'est un péché, médisance ou pas médisance? Regarde la bismillah, allez, allons-y, on prononce quand même. On prononce quand même. Alors là, on n'est pas en train de parler d'une parole qui est permise. Et si je la prononce, je ne prends pas de péché. Cette parole qui est permise, le cheikh Al-Hafiz al-Nawawi te dit, même cette parole qui est permise, tu dois la délaisser. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, avec toutes ces paroles qui sont illicites et qui nous font que prendre des péchés? Et donc, au cheikh Al-Hafiz barakallahu fikoum, il est important qu'on comprenne que nous devons faire attention à nos langues. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Et donc ici Abu Musa رضي الله عنه qui nous dit qu'il a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم, qui sont les meilleurs des musulmans? أي المسلمين أفضل. Qui est le meilleur des musulmans? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Il y a une autre narration dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahahu Allahu anhu. Le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Et Al-Muhajir, c'est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Tayyib. Et donc, ô chers frères, nous voulons être de bons musulmans. Il est impératif que les musulmans soient préservés du mal de nos langues et de nos mains. Certains, parfois, ils vont se concentrer sur le mauvais comportement de leurs frères. Parce qu'un frère, il n'a pas supporté qu'une personne a fait quelque chose pendant un match de foot, ils étaient en train de jouer, et la tension est montée, il y en a un qui a tapé un autre. Il a tapé un autre. Et ensuite, quelques jours après, les frères sont en train de parler entre eux. Oh, est-ce que tu as vu, il l'a tapé et tout, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Allahul Musta'an. Tayyib. Donc lui, il n'a pas fait en sorte que le musulman soit préservé de sa main ou de son pied parce qu'il l'a frappé. Mais toi maintenant qui es en train de parler sur ton frère, est-ce que tu as fait en sorte que ton frère qui lui a tapé l'autre soit préservé du mal de ta langue quand toi tu parles sur lui? Les frères, il faut faire attention, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui est très dangereux. Et comme nous sommes négligents sur ce sujet, et ensuite l'auteur qui nous cite un autre hadith encore, toujours dans As-Sahihayn, an Sahl ibn Sa'din, radiyallahu an, qu'ole kale Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi, admanu lahu al-jannah. Muttafaqun alayhi. Et donc Sahl ibn Sa'ad radiyallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui le garantit, celui qui lui donne la garantie, en gros, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, celui qui lui donne la garantie de préserver ce qu'il y a entre la hiyehi, c'est-à-dire ce sont les deux os qui sont ici. Les deux os qui sont ici, c'est-à-dire c'est sa langue. Celui qui lui donne la garantie de préserver sa langue et de préserver ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire ses parties. Celui qui donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la garantie de préserver ses deux membres, alors le prophète lui garantit le paradis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et ça, ça montre quoi? Barakallahu fikum. Ça nous montre ce qu'il y a dans un autre hadith. C'est que les plus grandes causes qui font rentrer les gens en enfer sont la langue et les parties. La plus grande cause qui font rentrer les gens en enfer sont la langue et les parties. Le kafir qui va faire du shirk, il va faire du shirk avec ses membres et aussi avec sa langue. Le mubtadi', etc. Tu vas avoir aussi le pécheur, parce que certains se disent, je suis le Ahl Sunnati wal Jama'a. Alhamdulillah, al-firqatun najia, as-salafiyya. Et il va négliger les péchés à droite, à gauche, etc., etc. En pensant que on est préservé du feu sous prétexte qu'on est salafi. Ah, tu as menti, frère. Allah t'a menti. Tu as menti. Si tu penses et si tu dis qu'on est préservé du feu sous prétexte qu'on est salafi, ça c'est une déviance. C'est une déviance. Et tu ne connais pas la salafia. Car dans la voie salafi, on ne garantit le paradis pour personne. Pour personne. Sauf ceux dont il a été cité qu'ils vont au paradis. Mais tout un chacun, non. De manière individuelle, non. Tu es dans le groupe sauvé, oui, ça veut, oui. Est-ce que ça veut dire que toi, tu es sauvé? Non. Il se peut que ta pratique du groupe sauvé soit incorrecte, comme le fait de pratiquer la médisance et de parler à droite à gauche sur tes frères et tes sœurs. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse très attention à cela. Le fait de ne pas préserver nos langues fait partie des causes les plus importantes qui entraînent les gens dans le feu. Aujourd'hui, barakallahu fikoum, et ce qui nous montre que les gens n'ont pas compris ce sujet, c'est que lorsqu'on aborde le sujet de la fornication, hein, ah, fornication, vous imaginez quelqu'un qui fornique et tout, qui fait ça, etc., etc. Les frères, a'oudoubillah, ah. Et lorsqu'on parle de la médisance, normal. Ça, c'est parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris le fait que ce sont deux actes qui sont graves, que ce soit la fornication ou la médisance, mais les deux restent graves. Et les deux font de la personne un fasiq s'il ne se repent pas. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. سبحان الله. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. D'après Abu Hurairah radiallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dire, certes le serviteur peut prononcer une parole. Il peut prononcer une parole et il ne lui apparaît pas. C'est-à-dire qu'ici, il ne sait pas trop. Et ici, il ne voit pas que cette parole est donc si grave que cela. Elle n'est pas si grave que cela. Mais il y a tabayyanu lahu. Il ne lui apparaît pas que la parole, elle est grave. Et alhamdulillah, on peut parler. Il va prononcer cette parole et à cause de celle-ci, il va glisser dans le feu. D'une profondeur qui est plus grande est plus longue que la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et tout de suite après, elle nous dit l'auteur, « Wa anhu », donc toujours d'après Abu Huraira, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala, ma yulqi laha balan, yarfa'uhu allahu biha darajat. » وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Et donc ici, l'auteur tout de suite après, elle nous cite la narration de Al-Bukhari, donc qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes le serviteur il peut prononcer une parole qui est conforme à la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, aux causes de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le serviteur n'accorde pas d'importance à cette parole. Pour lui, c'est... Il ne voit pas que c'est une parole grandiose. Hein? C'est comme les frères qui ne se rendent pas compte de l'importance du dhikr. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah. Il ne se rend pas compte. Il le fait, alhamdoulilah, alors il le fait. Mais il ne se rend pas compte des grandes conséquences de cette parole. Allah tabaraka wa ta'ala, par cette parole, il va l'élever en degré. Et un autre serviteur, il prononce une parole qui est conforme aux causes, une parole qui entraîne la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'accorde pas d'importance à cette parole, le serviteur. Oh, c'est... ça va, j'ai pas forniqué, j'ai tué personne. Hein? Comme ils disent, j'ai fait de mal à personne. J'ai juste parlé, c'est tout. Et donc, il n'accorde pas, il ne voit pas, il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Et à cause de cette parole, il va tomber dans l'enfer, rapporté par Al-Bukhari. Et donc, les savants, ils nous disent, Barakallahu fikum, une parole peut entraîner une personne en enfer. Une seule. Et donc, combien de paroles avons-nous prononcées? Les frères, si on pouvait apprendre à fermer nos bouches, ça serait bien. Wallahi, ça serait une ni'ma. Ça serait une ni'ma. On aurait dit qu'il y a un automatisme. Il faut absolument que ça sorte. Il faut absolument qu'on parle. Et effectivement, il y a un proverbe arabe sur ce sujet. Le cheikh Abdullah al-Bukhari, il en a fait allusion. Concernant parfois des fitanes qu'il y a entre les gens. Il y a des fitanes. Des troubles. On arrive, on voit des frères qui sont salafis, sont sur la sunna, ils se déchirent. Lorsque tu écoutes les arguments à droite, qu'est-ce que tu as contre ton frère? Et le problème, c'est qu'à chaque fois, chacun veut faire rentrer ça dans le manhaj. À chaque fois. Ouais, et ça, c'est dans la aqida. Ok, d'accord. Tu écoutes l'autre. Ouais, et ça montre que c'est dans la aqida. Ok, d'accord. Rien à voir. Mais c'est juste que chacun, il veut faire tomber l'autre. Quand je fais tomber l'autre, soit je prouve que c'est un kadhab, soit je montre qu'il a une aqida à Ouzoubillah, etc., etc., etc. Et donc, lorsque tu écoutes les parties, t'écoutes. Et tu te rends compte que, ok, c'est du vent, et là, c'est aussi du vent. Toyib, d'accord. Ok. Comment on fait? Cheikh Abdullah, il nous a dit, il faut ordonner aux deux parties de se taire. Écoutez le conseil de Cheikh Abdullah. Vous ordonnez aux deux parties de se taire. Thumma yadhharu lakum man ilfattan. Et c'est après cela que va apparaître qui est le fattan. Lorsque vous avez ordonné aux deux parties de se taire, après cela, on verra qui est le fattan. Pourquoi? Il explique. لِأَنَّ الْفَتَّانِ. Et ça, c'est un proverbe arabe. Fi بَطْنِهِ رِيحٌ. Car le fattan, il a un gaz dans son ventre. Il a un gaz dans son ventre. يُزْعِجُ. Ça le dérange. La Bouddha en yuhri jamais fi botnihi. Il doit forcément sortir ce qu'il a dans son ventre. Et donc il ne va pas pouvoir rester comme ça en silence. Il ne va pas pouvoir se taire sur son frère. On lui a dit, tais-toi, arrête de parler sur ton frère. Khalas, vous êtes des frères, etc., etc. C'est terminé. Il va te dire, oui, oui. Mais il a le gaz dans son ventre. Il faut qu'il sorte le gaz. Il faut qu'il sorte. Et donc, au bout d'un moment, il va se lâcher et parler sur son frère. Ça, c'est le fait tel. Ça, c'est le fait tel. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Les gens de science vous ont demandé de vous taire. Vous ont demandé d'arrêter le conflit. Khalas. On arrête le conflit. On arrête de parler les uns sur les autres. Et on s'entraide pour avancer dans le bien. Ne sois pas comme celui qui est dérangé par le silence. Allahul Musta'an. Allah, les frères, c'est une moussiba, c'est un mal. Être dérangé par le silence. Ça te dérange tellement que tu n'arrives pas à te retenir. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Allahul Musta'an. عن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Et donc d'après Abu Abd al-Malik, Abu Abd al-Rahman, Bilal ibn al-Harith al-Muzani, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, l'homme, l'individu, ici c'est marqué Ar-Rajul. Les sœurs, faites très attention. Tous les hadiths qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est marqué Al-Abdu, le serviteur. Ar-Rajulu, l'homme. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Tout ce qui concerne les hommes concerne aussi les femmes, sauf preuve du contraire. Et donc, voilà pourquoi je traduis par l'individu. Et donc, l'individu, il peut prononcer une parole qui, donc, est une cause de satisfaction d'Allah Ta'ala. Il ne pensait pas que cette parole aurait atteint un tel degré. Alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala, par la cause de cette parole, il lui inscrit sa satisfaction jusqu'au jour où il va le rencontrer. Et certes, un individu va prononcer une parole qui cause la colère d'Allah Ta'ala. Il ne pensait pas que cette parole aurait atteint une telle de telle proportion. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, par cette parole, il va lui inscrire sa colère jusqu'au jour où il le rencontre. Jusqu'au jour où il le rencontre. Taïb, si la personne elle se repent, Taïb, mais ici c'est marqué jusqu'au jour où il le rencontre. Et donc ici, barakallahu fikoum, ça concerne le cas où Allah tabaraka wa ta'ala sait que la personne ne va pas se repentir. Allah tabaraka wa ta'ala sait que la personne ne va pas se repentir. Il inscrit sa colère sur cette personne jusqu'au jour où il la rencontre. An Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu qal, Kultu ya Rasulallah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Mashallah. D'après Soufiane ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, cite-moi quelque chose à laquelle je peux m'accrocher. Moi, je veux m'accrocher à quelque chose pour réussir. Dis-moi à quoi est-ce que je peux m'accrocher. Qala qur rabbi Allah thumma istaqim. Le prophète lui a dit, dis, mon Seigneur est Allah. Mon Seigneur est Allah, donc je n'adore que lui. Et je lui obéis vu que c'est mon Seigneur. Je suis soumis à lui vu que c'est mon Seigneur. Thumma istaqim, puis suis la droiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, oh cher frère? Ça veut dire que tu dois continuer comme cela jusqu'à la mort. Quand tu dis oui, je délaisse la médisance. Alhamdulillah, on a eu un bon appel sur la médisance, ça nous a été profitable. Khalas, maintenant c'est fini. C'est pas aujourd'hui c'est fini et puis demain matin tu retombes dedans. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al istiqama, c'est-à-dire que tu perdures comme cela dans la droiture. Tu continues. Al istiqama, le fait que tu es plus dans l'obéissance que dans le péché. Oui, tu vas pécher. Tu es un être humain. Mais al istiqama, c'est un caractère qui fait que tu vas être plus souvent dans l'obéissance que dans la désobéissance. Et que si tu désobéis, alors tu reviens. Alors tu reviens. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Et donc certes ceux qui disent mon Seigneur est Allah, notre Seigneur est Allah. Et ensuite ces gens-là, ils suivent la droiture, ça veut dire qu'ils continuent comme cela jusqu'à la mort. Alors là, les anges, ils descendent sur eux pour les rassurer. N'ayez crainte et ne soyez pas tristes. N'ayez crainte concernant votre passé et ne soyez pas tristes. Donc, n'ayez crainte concernant votre futur et ne soyez pas tristes concernant votre passé. La takhafu wa la tahzanu. Et soyez heureux de cette récompense qui vous attend. Pourquoi? Parce que vous avez été mustaqimin. Vous avez suivi la droiture jusqu'à la mort. Tu t'es retenu de parler sur ton frère jusqu'à la mort. Certaines personnes, tu lui donnes un dépôt, tu lui dis, mais Iyak, attention, ne parle pas. Si tu parles, attention, ça peut être grave, des conditions lourdes, des conséquences lourdes. Ça peut entraîner une séparation, ça peut entraîner un divorce, ça peut entraîner une bataille, ça peut entraîner si. Non, on n'arrive même pas à tenir, même pas un jour. Direct. El istiqama, il faut continuer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, les frères. Ce qui compte, ce n'est pas ce sur quoi tu es aujourd'hui. Ne sois pas leurré de ta situation actuelle. Alhamdulillah, j'assiste au durus, mashallah. Alhamdulillah, je fais mes prières. Tu ne sais pas sur quoi tu vas mourir. Al-istiqama, c'est jusqu'à la mort. Alors ensuite, ce compagnon, lorsqu'il a entendu cela, il a dit au prophète, « Qultu ya Rasulallah, ma akhwafu ma takhafu alayya. » Ok, d'accord. Ça veut dire, oui, je vais dire, « Rabbi Allah, thumma c'est astaqim. » Oui, et après, je suis la droiture. Tayyib. Mais messager d'Allah, dis-moi, quelle est la chose qui te fait le plus peur me concernant? Là, c'est un compagnon. Les meilleurs de cette communauté. Les meilleurs de cette communauté. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ. Le prophète a tenu sa propre langue. ثُمَّ قَالَ. Puis il a dit, هَذَا. Voilà ce qui me fait le plus peur te concernant. هَذَا. Hadith rapporté par At-Tirmidhi qui a dit que le hadith il est Hassanun Sahih. Et donc on comprend quoi? On comprend que celui qui ne sait pas retenir sa langue n'est pas sur Al-Istiqama. Celui ou celle qui ne sait pas retenir sa langue n'est pas sur El Istiqama. Et donc toi, lorsque tu vas chercher à te marier, etc., tu vas chercher une épouse vertueuse, tu vas chercher un époux vertueux, il faut que tu cherches une personne qui soit sur El Istiqama. Et donc une personne qui a cette capacité de savoir retenir sa langue. Et ça c'est très important ça pour le mariage. Parce que chacun des deux époux connaîtra les défauts de l'autre. Connaîtra concernant l'autre ce que les gens ne savent pas. n'a pas d'istikama, mashallah, tout Bruxelles ou tout Paris va être au courant de tes défauts. Parce que tu as préféré choisir une femme en fonction de sa beauté sans regarder l'istikama. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa an ibn Umar radiallahu anhuma kol. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي لا حول ولا قوة إلا بالله. D'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne parlez pas beaucoup sans faire le rappel d'Allah. Hein? » Lorsqu'on est réunis entre frères et qu'il y a un repas, il y a une assise, etc. Hein? On se réunit, on parle un peu de tout. Il n'y a pas de rappel d'Allah. Il n'y a pas de rappel d'Allah. Ici, il dit « ne parlez pas beaucoup sans faire le rappel d'Allah. » Pourquoi ? Quelle est la raison ? Car le fait de beaucoup parler sans faire le rappel d'Allah entraîne la dureté des cœurs. Entraîne la dureté des cœurs. Et donc les sœurs qui se donnent rendez-vous, mashallah, elles sont entre elles, entre akhawat, il n'y a pas de mal, alhamdoulilah. Mais s'il n'y a pas le rappel d'Allah, cela entraîne la dureté des cœurs. Et certes, ceux qui sont le plus éloignés d'Allah, ce sont ceux qui ont le cœur dur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam. Les plus éloignés d'Allah sont ceux qui ont le cœur dur. Quelle est cette caractéristique? Le fait d'avoir le cœur dur, ça fait quoi? Ça fait que tu ne vas pas obéir à Allah. Ces gens-là qui ont le cœur dur n'obéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru que leur cœur se soumette au rappel d'Allah? Ton cœur se soumette. C'est-à-dire que Allah, il te dit de faire ça, tu fais. Il te dit de délaisser, tu délaisses. Al-khushu' lillah, tu te soumets à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Et qu'il ne soit pas comme ceux à qui le livre a été donné auparavant. Fatala alayhimul amad. La période, ils l'ont trouvée longue. Ils n'ont pas eu al-istiqama. Ils ont suivi le premier jour, le deuxième jour, les six premiers mois. Alhamdoulilah, la sunna, mashallah. Ils ont suivi. Et après, avec le temps, on fait moins de ibadah. On fait moins de talabul ilm. Tu viens de connaître l'istikama. Tu es content, mashallah. Tu assistes à tous les durous. Mais, tala alayhimul amad, ils ont trouvé le temps long. Avec le temps, on assiste à moins de cours, à moins de cours, à moins de cours. Avant, on faisait des nawafil, on ne les fait plus. Avant, on faisait Askar al-Sabah wal-Masah, on ne le fait plus. On faisait le jeûne le lundi, le jeudi, c'est difficile. On fait moins en moins d'actes surérogatoires, on fait plus de péchés. La période, on l'a trouvée longue. On est arrivé, on a connu la droiture, on était motivé, mashallah. On a arrêté la musique, on a arrêté les films, on a arrêté les séries, on a arrêté ci. Mais on a trouvé le temps long. Et donc au bout d'un moment, tu retombes dans... Allez, c'est un petit peu... Une chanson, juste une. Une, de l'époque. Allez. Non, là, je ne regarde pas une série. Ce n'est pas une série que je regarde. Ce n'est pas un film, c'est un reportage. C'est un reportage sur les animaux. C'est profitable, les reportages sur les animaux. Ah ouais, après le reportage sur les animaux, il y a eu le film. Mince, alors je suis resté accroché. J'ai pas fait attention. Tala alayhimul amad. Ils ont trouvé le temps long. Il n'y a pas eu de istikama. L'istikama, ça dure jusqu'à la mort. Fait quoi cette kouloubouhoum? Leurs cœurs sont devenus durs. Et donc, ils n'arrivaient plus à se soumettre. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Et beaucoup d'entre eux sont des fasikoun, des grands transgresseurs. Et donc, ô chers frères, le fait d'avoir ces assises où on ne fait pas le rappel d'Allah, où on va parler de dunya, et dunya, et dunya, ça ne va faire que durcir nos cœurs et nous sortir de l'istiqama. Et faire quoi ? On va trouver le temps long. Par contre, lorsqu'on met le rappel d'Allah, ça renforce la foi. Tu as fait une assise ? Il y avait le rappel d'Allah. Oui, tu peux parler de la dunya, on ne va pas te dire que c'est interdit. Mais il faut qu'il y ait le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut qu'il y ait le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça renforce notre foi, ça nous fait craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça nous aide à continuer jusqu'à la mort. Les frères, on est faibles, il faut admettre que nous sommes faibles. On doit rester comme ça jusqu'à la mort. On ne te dit pas de rester bien pendant un petit moment. Non, c'est jusqu'à la mort. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, il faut que tu restes sage toute la journée. Si tu restes sage toute la journée, je te donne un bonbon. Il va te dire, oui. Regarde à la fin de la journée, combien de bêtises il a fait. À la fin de la matinée, regarde combien de bêtises il a fait. Nous, les adultes, c'est pareil. Ya Allah, jusqu'à la mort. Je reste, Mashallah, jusqu'à la mort. Oui. Allez, à la fin de la semaine, on regarde. À la fin de la semaine. Et donc, qu'est-ce qui va nous aider à rester sage? Qu'est-ce qui va nous aider à rester obéissant jusqu'à la fin de notre vie? Le rappel d'Allah. Le fait d'avoir beaucoup de rappels. Les salawat, c'est un rappel. Les cours, c'est un rappel. On en a besoin pour nous aider à faire monter notre foi. Et on va arrêter là pour ce premier cours. On fait une petite pause, Inch'Allah ta'ala, de... Donc là, il est 48. On reprend à 20h. Inch'Allah ta'ala. Waffaq Allah al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.